La première fois, c'était en Thaïlande. À Naples. Malte, et je suis restée 2 semaines et demie en Grèce. À Amsterdam. À Barcelone. En Thaïlande. En Italie. En Indonésie, donc à Bali. 3 mois seule en Australie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Bougeotte, le podcast des femmes qui voyagent. Je suis Daisy et je suis donc avec Marine et Laura. Salut. Coucou. Ça fait hâte de vous parler. Ça fait la 3e fois qu'on démarre ce générique, mais tout va bien. Voilà, et puis c'est aussi, il faut dire qu'on est de nouveau toutes les 3 ensemble, physiquement, au même endroit, donc oui. On est super heureuses, enfin, d'être en France peut-être pas forcément, mais on est contentes de se revoir. Oui, parce que t'es rentrée d'Iran. Oui, bon, ça fallait que ça se produise, mais c'est vrai que ça s'est produit un peu plus vite que prévu, et voilà. Bon, on va pas parler trop de l'Iran maintenant, parce que déjà, je vous en ai beaucoup parlé, et puis surtout, je vais encore vous en parler, mais ce sera pour la fin de l'épisode. Vous, les filles, d'abord, vous allez nous parler de quoi ? Alors moi, je vais vous présenter dans cet épisode la doyenne de l'émission, puisque j'ai rencontré Suzanne, qui a 97 ans. Et on va avoir du mal à battre, ça. Oh, c'est un beau challenge, ouais. Et toi, Marine ? Et moi, avec moi, on va parler de religion et de voyage, et le lien qu'il peut y avoir entre les deux. Voilà. Super. Oh, top. C'est parti ? C'est parti, Laura, on t'écoute. Ok. Alors, donc, je vais vous parler de Suzanne, C'est une personne extraordinaire que j'ai rencontrée il y a quelques jours. Et donc, comme je vous l'ai dit, elle a 97 ans et c'est notre doyenne, hein, pour l'instant, record à battre. Donc, je l'ai interviewée chez elle en compagnie de sa petite fille Juliette, elle-même fan de voyage. Et pour vous présenter Suzanne rapidement, elle était professeure agrégée de géographie avant de partir à la retraite. Elle a voyagé une très grande partie de sa vie avec son mari ou en groupe. Et elle a même tellement voyagé et pris de photos qu'elle a des pellicules qui s'entassent dans des boîtes qui grimpe, mais vraiment du sol au plafond chez elle, dans au moins 2 pièces de son appartement. Pour le reste, je ne peux pas vous dire, je n'ai pas tout vu. Et donc, elle va vous lire certains de ses dossiers. Toscane, ici, qu'est-ce qu'on a là ? Macédoine, Pérou, Bolivie, bien sûr, Tunisie. Oh. Voilà. Inde du Sud, Chine, 3 fois la Chine. Alors, dans son enfance, Suzanne a découvert la montagne à l'âge de 3 ans en Dauphiné. Premier coup de cœur pour elle, et elle va même faire de l'alpinisme par la suite. Mais là, je vais un peu vite en besogne. On va faire d'abord juste un petit bond dans le temps. On va en 1945, où Suzanne a passé son agrégation de géographie, donc pour devenir professeure, et elle a été nommée à Annecy. Et là, quelques années plus tard, c'est le déclic. Le voyage, c'était en 50. Alors, en 50, on trouve un jour une réclame sur un journal de France Soir qui organisait une croisière en Méditerranée. Et c'était un prix abordable, tout à fait abordable. Et ce voyage avait proposé escale à Malte, en Égypte, au Liban et en Grèce. On a sauté là-dessus. Alors, évidemment, le voyage, c'était un vieux rafio qui avait fait longtemps le service entre l'Angleterre et l'Irlande. Finalement, les Anglais n'en voulaient plus. Les Grecs l'ont récupéré et c'était donc ce bateau grec qui nous a servi. Alors, nous étions en classe touriste. Alors, la classe cabine, c'était, on est en 50, c'était les enrichis du marché noir qui se payaient le voyage. Le reste, oh ben le reste, c'était très heureux parce qu'il y avait quelques étudiants, puis c'était tous les gens de notre âge quoi, qui venaient de terminer leurs études. On s'est beaucoup amusé. Ça a été une découverte formidable. Alors surtout alors l'Égypte, on avait dit on va se débrouiller tout seul. On est 3 jours, on arrive au Caire et on commence à arpenter les rues du Caire. Mais c'était difficile, enfin, on a réussi à trouver une librairie, à trouver une carte. Il fallait pas grand-chose, enfin, on s'est débrouillé quand même pour voir un petit peu du Caire. Et là, on a bien été obligé de les suivre. Alors, on nous a emmené voir le Sphinx. Alors là, le Sphinx, c'était un car qui a éclairé le Sphinx avec les phares, pour qu'on voit quelque chose. Bon, il y avait les pyramides qui étaient là, proches, mais ça ne les intéressait pas. Alors là, nous étions un petit groupe, là, nous avons pris nos jambes à notre cou et nous avons couru jusqu'à la pyramide. Et les autres hurlaient, et venez, venez, vous allez nous faire rater le musical. Voilà comment ça s'est passé, on repart, arrêt à Beyrouth. À Beyrouth, là, on dit, on veut voir Damas. C'était pas prévu, enfin, soit arrangé, on a pu aller jusqu'à Damas. C'est-à-dire qu'on aperçoit Damas, là-dessus, on nous emmène manger à l'aéroport. et on hurlait, on veut voir Damas, on veut voir Damas. Finalement, on a pu aller voir Damas, voir la grande mosquée. Et de là, arrivé au Pirée, le soir, on quitte le bateau, on dit débrouillez-vous, nous on trouve un petit hôtel au pied de l'Acropole, on leur colle les passeports, débrouillez-vous, et on monte. Et il y avait le clair de lune sur l'Acropole. Oh, ça, c'était merveilleux. Et voilà le premier voyage. Alors, vous l'avez compris, Suzanne n'a pas fait ce voyage toute seule. Elle était avec son mari, qui a connu la guerre et la captivité. Allez, elle va vous raconter comment elle l'a rencontré. Spoiler, il y a de la montagne dedans, une de leurs passions communes. Nous avons fait connaissance sur un sommet. Moi, j'avais 25 ans, et on fait une balade entre collègues, quoi. Et nous nous trouvons sur un sommet. Tous les deux, géographes, prend la carte et on commence à discuter sur les sommets qu'on voit. Et les autres en avaient assez des discussions, ils sont partis. On est resté 5 heures à profiter de la montagne. C'est comme ça qu'on a fait connaissance. On a fait le Mont Blanc en 53. Il y a eu un jour de beau temps, on a filé, pu faire le Mont Blanc. Et c'était merveilleux, on était tout seuls. Il y avait le vieux refuge du goûter, il y avait une vingtaine de places, quoi. Mais enfin, on était tout seul, on a pu ouvrir les fenêtres, à dormir avec les fenêtres ouvertes, à 3600 mètres. Mais par contre, il n'était pas gardé. On nous avait dit qu'il était gardé, mais il n'était pas. Alors, résultat, il a fallu partir pour le sommeil sans manger, sans boire, enfin sans petit déjeuner. Lui, il avait horreur des groupes avec la vie militaire et la captivité. Il ne pouvait pas plus supporter les groupes. Donc, les voyages en groupe, je les ai fait plutôt avec les collègues. Au fond, j'aime bien la compagnie, quand même. Alors, après cette belle parenthèse, revenons à nos moutons, le voyage. Et Suzanne, à cette époque, elle partait en backpack, avec en bonus un sac à dos entier supplémentaire. On est bien avant l'appareil photo numérique et il fallait bien qu'elle transporte son matériel photo. J'avais un sac à dos qui était rempli de pellicules. Parce que pour un grand voyage, la moyenne, c'était la centaine de pellicules. Ça allait quelquefois jusqu'à 120. Enfin, alors évidemment, ça remplissait intégralement le sac à dos. J'avais un petit Olympus qui était bien commode, parce qu'il n'était pas complètement automatique, mais relativement. Et alors, je le mettais dans la poche. Quand c'était interdit de photographier, je le posais à côté de moi et je photographiais sans le mettre. En 64, quand l'Asie centrale a été ouverte, là, nous y sommes allés en s'embarquant dans quelque chose d'absolument extraordinaire, ce qui était presque à l'abandon. Je me rappelle avoir ramassé des tessons, c'était presque un tas d'ordures, quoi. Et puis à l'intérieur, les tombeaux, il n'y a aucune restauration de fait, rien du tout. Et la grande mosquée, alors j'ai pris des photos, chance énorme, puisqu'il y a eu le tremblement de terre après, si bien que j'ai eu l'occasion de passer mes photos à la responsable d'école du Louvre. Donc j'ai des photos qui sont à la photothèque du Louvre. Les photos, le voyage, ce sont autant de passions qui rapprochent Suzanne de sa petite fille, Juliette. Elle a la trentaine, elle est historienne, on l'écoute aussi. Histoire de transmission. C'est elle qui m'a offert mon premier appareil photo. Donc j'avais commencé à faire des photos en voyage en Italie, quand je partais avec mes parents. Et puis oui, effectivement, je pense que c'est un élément qui nous rapproche. Quand j'ai commencé à voyager de mon côté, en fait... Le premier voyage, c'était au Népal. Quand j'avais 19 ans, je suis partie toute seule dans un orphelinat. Et on l'a préparé ensemble, en fait, ce voyage. On avait commencé déjà un peu à le préparer. Mais ensuite, tous les voyages que j'ai faits depuis, il y en a quand même eu pas mal. On en discute avant. C'est vrai que moi, j'ai aussi tendance à beaucoup aimer l'Asie du Sud-Est. C'est quelque chose qu'on partage et je pense que c'est un goût que tu m'as transmis aussi. Parce que Bali, j'y suis partie cette année, mais depuis que je suis petite... je t'ai entendu me parler de Bali et depuis que je suis petite, tu m'as montré des danses balinaises et c'est quelque chose que j'adorais. Et j'étais terriblement impatiente d'y aller jusqu'à cette année. Allez, on vous donne un petit morceau de Bali lorsque Suzanne a eu la chance d'y aller. C'était à Bali et on nous amène à Ubud le soir. Oui, mais Ubud à ce temps-là, il n'y avait pas d'électricité. Il y avait à peine une route, c'était tout. Et alors là, c'était un palais. Et à côté, il y avait le roi qui s'était réfugié dans la cuisine, lui, pour... Et c'était un jeune père de famille qui avait un bébé. Nous avons commencé à parler avec lui. On a bien sympathisé. Du coup, il nous a emmenés faire le tour de la ville. Il y avait la préparation d'une crémation. On a vu tous les métiers au travail. C'était extrêmement intéressant. Ce qui était intéressant, justement, de comparer, de voir l'évolution, au bout de ce que tu m'as raconté. Et puis moi, j'ai détesté quand j'y suis allée. Ça ne m'a pas plu du tout parce que c'était juste une avalanche de touristes dans tous les sens et de boudins en plastique. Et une ambiance qui était complètement... complètement faussé par le tourisme de masse et un espèce d'exotisme de bazar, quoi. Et sinon, Suzanne, c'était quoi d'être une femme qui voyage dans ces années-là ? Même si elle a tendance à le minimiser, avec l'aide de sa petite fille Juliette, des souvenirs reviennent. J'ai jamais eu d'expérience désagréable. Attends, quand même, tu te rappelles avec les curés avec lesquels tu t'es battue ? Ça, c'est... Il y a eu quand même des fois... Oui, bien sûr. J'étais en Italie. J'étais au-dessus de Sienne, et puis à la cathédrale de Sienne. Or, je savais qu'à la cathédrale de Sienne, il y avait un tableau du célèbre du Sotoma, et comme j'aime beaucoup la peinture, je tenais à le voir. Or, j'étais en pantalon, ce que j'estimais normal, pas pour moi, parce que j'ai eu pas mal de problèmes, notamment avec la directrice du lycée d'Orléans, entre autres. Mais et là, voilà le curé qui m'interdit d'entrer dans l'église en pantalon. Puis lui, il était en robe. Je ne vois pas pourquoi. Et alors, il a continué à m'agresser. Alors moi, je ne savais pas l'italien. Alors j'apprenais un peu sur l'assimile. Alors, il y a une phrase d'assimile qui revient. Je lui crie « crétinissime ». Mon mari m'a attrapé par le collet et m'a embarqué en se demandant ce qu'elle se passait. Je n'ai rien passé quand même. Alors aujourd'hui, bien sûr, beaucoup de choses ont changé depuis. Et avec Juliette, la relève a l'air bien assurée. Donc Suzanne peut être tranquille. Je suis partie en Syrie avec une amie franco-syrienne. Je suis partie en Thaïlande, je suis partie au Cambodge, au Mali aussi. Donc là, je suis partie en Roumanie et je suis partie toute seule. Une dizaine de jours, et ensuite mon copain m'a rejointe. Et j'aimais bien ce mélange justement des genres, le fait de faire un peu les deux. C'est ça, que ce soit pas du tout, que ça s'oppose pas, et au contraire... Bien sûr, et on peut très bien conjuguer les deux, et j'étais contente qu'ils me rejoignent, mais j'étais aussi contente de partir un petit peu dans des conditions plus rocambolesques, toute seule, quoi. C'est bien aussi. Dans un sens, c'est plus facile... Maintenant, parce que les femmes commencent à être plus solidaires, plus reconnues, donc c'est aussi plus facile. Et il faut continuer. Crétinissime. Non, mais elle n'est pas géniale, cette femme. Elle m'a tué. Attends, lui, il était en robe, quoi. Genre, non, mais on marche sur la tête, quoi. Elle m'a tué. Franchement, merci Laura pour cette découverte, pour nous avoir fait entendre Suzanne et ses voyages. On a envie juste de passer des après-midi entières à l'écouter, à écouter ses anecdotes, parce que c'est non seulement elle a voyagé super tôt, enfin il y a longtemps, et d'une manière totalement backpackeuse, quoi. Ah, et puis si je peux me permettre, en tant que randonneuse et en tant que vidéaste, je pense qu'elle devait avoir une bonne condition physique, tu vois, parce que en principe le Mont Blanc, tu l'attaques pas. Parce qu'il fait beau, tu vois, à deux seuls et sans avoir mangé, tu vois. Ça avait pas l'air de l'inquiéter. Et pas avec une centaine de pellicules non plus. Enfin, j'imagine qu'elle avait pas tout emmené tout en haut, mais ouais, non, parce que je connais des gens qui ont tenté l'ascension et qui l'ont pas réussi, tu vois. Donc. Non, mais je pense qu'elle doit avoir encore des tonnes d'histoires à raconter comme ça. C'est pour ça que même c'était dur de faire tenir ça en un seul témoignage, parce que effectivement, t'as envie de la laisser parler, qu'elle te raconte tout, quoi, que ça s'arrête plus. Et un truc dont je voulais vous parler, c'est que du coup, avec Juliette, elles ont créé un Tumblr qui s'appelle 60 ans de vadrouille. Donc vous pouvez aller voir certaines de ces photos qu'elle a numérisées qui sont disponibles sur ce blog. Évidemment qu'elle a des centaines de milliers de diapos chez elle. Tout est déjà trié, classé en fonction des pays, des années, etc. Si parmi les gens qui nous écoutent, il y en a qui auraient une idée de fonds, de musées ou quoi que ce soit, de boîtes de prod pour mettre ça en valeur, je pense que c'est un fonds assez inestimable. Ah, tu m'étonnes. Super, ouais, 60 ans de vadrouille, c'est ça ? C'est ça. Et on mettra le lien. À base de en moyenne 100 pellicules par voyage. Voilà, je vous laisse imaginer la quantité. Merci à Suzanne et Juliette. Ouais, grave, c'était top. Et Marine, donc c'est à ton tour, tu as donné la parole à quelqu'un d'autre, tu vas nous en parler. J'ai donné la parole à une amie à moi qui s'appelle Arwa, qui est comme nous journaliste, et qui est journaliste, qui est correspondante de la BBC en Afrique de l'Ouest, à Dakar. Et en fait, donc, elle est franco-tunisienne, elle est musulmane, et elle m'a proposé de venir parler dans la bougeotte de son rapport à la religion et de comment le voyage avait fait évoluer son rapport à la religion, du lien entre les deux. Donc, on a abordé deux sujets. On a abordé comment le voyage lui a permis de découvrir d'autres manières de pratiquer sa religion, donc l'islam, et aussi comment les pays accueillaient les différentes religions et comment ça se passait. Moi, le voyage, en tout cas, ça m'a appris à être humble par rapport aux autres cultures, aux autres peuples vis-à-vis de leurs pratiques. C'est-à-dire que au Sénégal, on va respecter des ancêtres qui ont beaucoup fait pour que l'islam soit implanté, ce qui peut s'apparenter parfois à de l'idolâtrie, qui est interdit dans la religion. Mais en fait, ça fait partie de la culture, donc en fait, on n'a rien à dire sur la façon dont telle ou telle religion est pratiquée dans un pays. Elle est pratiquée différemment en Inde, elle est pratiquée différemment aux Philippines, et elle est pratiquée différemment, forcément, en Arabie Saoudite ou en Tunisie. Moi, je suis musulmane pas pratiquante, même si en ce moment, c'est le Ramadan et que je le fais. Disons que je ne fais pas mes 5 prières, mais j'ai un rapport à la religion qui est très, on va dire, apaisé, parce que je crois énormément, en fait, à l'amour qu'il y a dans ma religion. Et en fait, avec les voyages, ce que j'ai découvert, c'est que la religion, l'expansion de la religion musulmane, en fait, elle est intrinsèquement liée à la culture. Et en fait, ça, il a vraiment fallu que je voyage énormément pour m'en rendre compte. C'est-à-dire que, par exemple, en Tunisie, la Tunisie, c'est aussi un pays très laïque. Donc, très proche du fait d'être discret. Quand on fait l'appel à la prière, c'est seulement 5 fois par jour et basta. Alors que moi, qui vis au Sénégal depuis 2 ans, pendant le Ramadan, par exemple, ce que j'ai constaté, c'est que l'appel à la prière, par exemple, il y en a deux ou trois ou quatre avant que ce soit vraiment l'heure de la prière. Dans la pratique, en tout cas au Sénégal, c'est pas du tout pareil. Également, c'est beaucoup plus ostentatoire. En fait, les Sénégalais, ils psalmodient énormément, c'est-à-dire qu'ils répètent 150 fois la même phrase pendant un certain nombre d'heures avant que ce soit le crépuscule, les jeudis et les vendredis. Moi qui ai grandi en France et passé toutes mes vacances en Tunisie, là où c'est très laïque, en fait, on met en valeur le fait d'être discret. Il y a aussi, en fait, une histoire qui est rapportée par rapport au prophète, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais déranger son voisin. Le fait d'être ostentatoire dans la religion, en fait, je me disais que ça pouvait toujours mettre quelqu'un mal à l'aise. Parler de religion, c'est quelque chose d'intrinsèquement intime. Pratiquer comme ça devant tout le monde, j'ai beaucoup de pudeur, c'est très bizarre. Et en fait, non, les Sénégalais ont une façon de faire très collective, j'allais dire. Très, très, très collective. Ils se rassemblent pour chanter, pour psalmodier. Ils mettent le son à fond dans les mosquées pour appeler à la prière. En tant que fille d'immigrés, on m'a toujours dit, il faut être discret, pas faire de vagues. Et quand j'ai vu ça, évidemment, c'est un pays musulman, mais ça m'a pas mal appris la tolérance, finalement. Ça m'a appris l'humilité, parce que, en fait, c'est pas parce que je suis du peuple arabe que j'ai le monopole de la raison. Par rapport à la religion, c'est pas parce que nous, on a eu la religion en premier, que on va apprendre aux autres comment pratiquer, quoi. Donc ça, c'est un truc aussi, je trouve que chez nous autres arabes, je dirais, même si en fait les arabes ça n'existe pas, c'est une généralité, on a pas mal la prétention de savoir mieux que les autres. Non, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe, et je pense que dans la tête de beaucoup de musulmans, ça se passe peut-être comme ça. Moi, en tout cas, j'avais énormément cette prétention, et j'ai appris à être humble là-dessus. La deuxième chose qui fait que la religion ne peut pas se séparer de la culture, en fait, c'est la prononciation des mots. Par exemple, les Turcs vont avoir une prononciation de Allahu Akbar, ils vont dire Allahu Akbar. Et Et c'est quelque chose qui grésille en fait dans mes oreilles à chaque fois. Ça fait ah ça pique. C'est pas exactement cette prononciation là. Et un oncle en Tunisie, une fois, je lui en avais parlé de ces différentes prononciations là. Je me suis dit, mais quand même, pourquoi est-ce qu'il se corrige pas? C'est un peu bizarre. Et en fait, il m'avait dit, mais non, mais c'est parce que c'est leur culture en fait. C'est comme ça. Et il faut apprendre de leur culture. Et puis ils ont quand même l'intention de pratiquer, enfin de dire la phrase correctement, mais bon, c'est comme ça, c'est parce qu'ils ne peuvent pas le prononcer, mais en attendant, ils font la prière, et ça, on doit respecter. Et c'est ça, en fait, on peut dire que quand on est dans la religion, dans la pratique, etc., les gens peuvent penser qu'en fait, on s'enferme, mais pas du tout, en fait, à travers les voyages, en fait, on s'ouvre aux différentes cultures. Moi, ça m'a appris aussi à être beaucoup plus tolérante par rapport au fait d'inclure en fait la communauté LGBT dans les communautés musulmanes, dans le sens où en fait on peut pas avoir le monopole et croire très fort que Dieu aime l'égalité, en fait, ce qui est quand même un des slogans de la communauté LGBT musulmane. Moi, je suis pas LGBT, je suis on va dire alliée, si on peut dire ça comme ça. Mais le fait d'avoir voyagé, le fait d'avoir compris que nous, on n'a pas le monopole de la pratique religieuse, c'est considérer en fait que tous les peuples, quelle que soit la culture, en fait, sont égaux face à Dieu, finalement, et que la culture LGBT doit être aussi inclue dans notre tolérance. Le Canada, c'est une configuration complètement différente, en fait. J'y suis allée à deux moments. J'y suis allée en 2011... C'était assez tranquille, en fait. Et moi, j'avais découvert une ville, en tout cas, Montréal et la deuxième ville, c'était Québec, où, en fait, il n'y avait pas de problème particulier avec le voile islamique. Tout le monde trouvait ça tout à fait normal. Et tout le monde trouve ça encore tout à fait normal, en fait, qu'une femme puisse porter le voile. Et en fait, c'était assez particulier parce que en 2011, c'était les années Sarkozy. Et ce qui m'avait frappé, en fait, c'était que le débat, comme toujours, se cristallise sur la femme voilée. Et j'avais rencontré, en fait, à Montréal, deux Américains. Et la première question qu'ils m'avaient posée, c'était c'est quoi le problème de la France avec le voile islamique? Et je me suis dit, ah d'accord, c'est la première question que vous avez à me poser sur la France. Waouh! Et ce jour-là, le lendemain, ou le surlendemain, il me semble... Si mes souvenirs sont bien dans l'ordre, mais il me semble avoir vu une une du New York Times avec un policier qui arrache un voile intégral d'une femme. Et y avait un édito qui était assez scandalisé là-dessus. Et en fait, je vivais ça de loin parce que en fait, je voyais que le Canada était très apaisé sur le débat. Ça, c'était en 2011. Je suis retournée en 2013 et là, il y avait... il y avait Hollande qui était arrivé... à la présidence. Et là, en fait, c'était marrant parce qu'ils vivaient quelque chose à rebours. Les Québécois vivaient le débat sur l'identité nationale. En fait, les Québécois étaient vachement... avaient vachement résisté à ce genre de poudre de perlimpinpin, pour reprendre une expression politique, en fait. Ils savaient qu'il y avait d'autres problèmes plus importants et ils n'allaient pas se laisser faire là-dessus. Ils tenaient absolument à leur côté tolérant et à leur réputation de citoyens tolérants et qu'il n'y avait aucune raison d'interdire aux femmes voilées de pas aller en fait, accompagner leurs enfants en sortie scolaire. Enfin, voilà. En fait, à partir du moment où il y a un pays qui accueille les immigrés de façon apaisée, de façon avec les bras ouverts, tu te sens plus facilement, en fait, j'allais dire, citoyen, et donc forcément moins exclu. Et donc, tu as vraiment plus envie de participer à la vie publique. En France, c'est chaud, on est quand même le pays qui est censé montrer l'exemple. Et en fait, ça fait un moment qu'on a arrêté de montrer l'exemple, en fait, en matière de droits de l'homme, en matière de tolérance, en matière de culture de l'accueil. Il y a très peu de débats apaisés, en fait, autour de la religion, donc... Donc, on se sent souvent obligé de justifier notre humanité à des personnes qu'on connaît. Voilà, j'attends qu'un jour ça pèse. Donc voilà, ça a changé mon rapport à comment est-ce que dans une société, on considère la religion, en fait, quelles que soient les religions, on les prend en considération. Voilà, c'était à Roy sur cette question délicate et un peu politique même maintenant de la religion en général et de l'islam en particulier en France et autour du monde. Et qu'on voulait traiter depuis longtemps en plus dans la bougeotte, on attendait le bon moment et je crois qu'elle a très bien présenté les enjeux dont nous, en tout cas, on voulait parler, quoi. Oui, puis c'est intéressant en fait de se rendre compte que tant elle a un niveau personnel par rapport à son rapport à la religion que par rapport à comment la religion est traitée, vécue en France, le voyage, c'est aussi ça que ça apporte, même pour quelqu'un du coup de daté. Aller dans des pays qui vont avoir un autre rapport comme ça, qui vont décaler un petit peu le regard à la religion, ça permet de relativiser aussi sur nous, comment on traite les choses, et je trouve que c'est ça qui est super intéressant. Et... Bah c'est ça, je pense que je ne pense pas me tromper, je crois qu'on est tout athée ici. Oui. Ouais. Donc voilà, avoir le point de vue d'une croyante, on n'aurait pas pu l'inventer, quoi. Non, c'est ça. Je pense que... Et puis voilà, elle a pas mal voyagé, hein. Elle a voyagé au Canada, elle a un peu évoqué la Turquie. Évidemment, elle vit au Sénégal, donc elle connaît bien. Et puis, elle a des origines tunisiennes, donc elle connaît bien aussi la Tunisie. Donc ça a été plusieurs pays où elle a pu comparer et la tolérance vis-à-vis d'une religion qui n'est pas majoritaire, comme c'est le cas au Canada, ou bien la pratique quand elle est majoritaire, comme c'est le cas au Sénégal, en Tunisie, etc. Donc voilà, je trouvais sa proposition hyper intéressante et j'ai sauté dessus. Carrément. Et je trouvais ça intéressant, son deuxième point, de mentionner la communauté LGBT aussi, tu vois, par exemple. Même, je me dis, j'avais pas pensé à cette, je sais pas si on peut dire, intersectionnalité, pour le coup, mais en tout cas, voilà, qu'elle le mette en avant, elle... Mais je pense que pour elle, ça rentre dans cette tolérance qu'elle a appris à qu'elle a appris lors du voyage. À être une alliée, en fait. C'est une autre façon de pratiquer, c'est une autre façon d'inclure les gens. Et... De voir les gens de manière générale, en fait. C'est une façon de redécouvrir un petit peu les personnes au-delà de ce que nous, on voit et on répète. Et voilà, surtout en France en particulier, c'est vrai qu'on a un rapport qui est très tendu avec la religion. Donc c'est vrai qu'on a des choses qui sont très ancrées. Exactement. Et moi, j'aime beaucoup quand elle dit que on a tendance à penser que la religion, ça peut nous enfermer. Ouais, et qu'en fait, et elle montre que elle montre bien que ça peut être complètement l'inverse, quoi. Oui, que ça peut être, que ça peut t'ouvrir quand tu voyages et que tu vas découvrir d'autres pratiques, d'autres pratiquants. Je pense même que c'est le propre de la religion, c'est qu'à la base, c'est quelque chose quand même qui t'apporte énormément et qui apporte énormément dans ton rapport à l'autre. Donc ça peut pas coller mieux avec le voyage. En fait, on vous fait croire qu'on est athée, mais pas du tout. Bon, voilà. Donc, c'était à Roy. Et puis, maintenant, on va passer à Daisy, à toi. Ben, on va vous laisser, en fait, sur mon voyage en Iran. En fait, j'ai eu envie de vous le raconter un petit peu. Et j'étais un peu embêtée, puisqu'une fois là-bas, pour des raisons un peu techniques, on va dire, c'était compliqué de prendre du son. J'avais pas emporté du matériel. Et du coup, ben, je me suis dit... que j'allais essayer de vous le raconter, ce que moi j'avais vécu, et de faire un petit peu comme ça une déclaration d'amour en musique, parce que pour moi la musique c'est super important en voyage, et voilà, c'est ce que j'ai essayé de vous faire. Et puis pour nous qui n'y étions pas, et ben ça fait une jolie carte, une sorte de carte postale sonore. Chips. Tu adores cette expression. Marine. Oui. Allez, c'est parti. Je me revois encore dans le taxi qui me conduit à l'aéroport. Enfin, le Snap. Cette application, un peu comme Uber, que j'ai utilisée des dizaines de fois à Téhéran et ailleurs, et avec laquelle j'ai galéré autant de fois pour parler en persan avec le conducteur. Je viens d'abandonner Arash, qui me fait un cœur avec les doigts sur le bord de la route, un grand sourire sur son visage, un petit peu triste lui aussi. Et je passe devant la Milad Tower une dernière fois. Une tour que j'ai vue et revue chaque jour à Téhéran, et qui pour moi est devenu l'emblème émotionnel de ce voyage. Parce que je laisse derrière moi l'effervescence d'une capitale que j'ai appris à adorer. Ces bruits klaxons incessants, ces ambiances de café cosy branchouille, ces odeurs de bazar. C'est Chicha à Darband. J'avais l'intention de résumer un mois et demi de voyage, mais j'y arriverai pas. Mmh. Il faudrait que je vous parle de Bouchehr et des nombreux couchers de soleil que j'ai vus sur la magnifique côte du golfe Persique. Du vin de Daria. Alors, pardon. Chagrayek ? Non, j'arrive toujours pas à le prononcer. C'est son vrai prénom, mais du coup, elle m'a dit « appelle-moi Daria ». Alors, du vin de Daria, qu'on a bu en écoutant trois jeunes hommes jouer de la guitare au bord de la mer. De mes nuits sans sommeil, trop occupée à savourer l'expérience et le moment présent. Ou simplement condamnée à grappiller quelques heures de sommeil dans un bus de nuit, l'un de ces nombreux bus qui a été mon compagnon sur 8000 km de route. Bien sûr, il me faudrait aussi de longues minutes pour vous parler du Sistan Baloutchistan. Cette région qui m'a conduite à retourner en Iran et à laisser derrière moi le bleu des mosquées pour retrouver la poussière des déserts, les embruns de la mer et cette vision immaculée de falaises sauvages plongeant dans le golfe d'Oman. Une région qui souffre aujourd'hui encore de nombreux préjugés, quand moi, je n'y ai trouvé qu'une hospitalité à faire pâlir même un Iranien, et des jeunes filles de 10-12 ans qui m'ont inspiré courage, force et détermination. J'aurais envie de vous parler de ces odeurs d'épices venues du Pakistan voisin de seulement quelques kilomètres, de ces musiques baloutches inspirées par l'Inde voisine, de ces rooftops où j'ai passé tant de soirées à écouter le son de la mer et le gargouillis du rayon. J'ai envie de dire merci à cette ville, Chabahar, que j'ai tellement aimée. Et je pense que la meilleure manière de faire ça, c'est de le dire en balouchi. Merhabani. Bien sûr, il faudrait que je vous parle de Shafag et de la manière dont sa tante, sa mère, ses frères et elle-même m'ont accueillie pendant plusieurs jours dans leur famille, comme si j'étais, moi aussi, un membre de cette famille. Barbare ! Je serais oublié de vous parler des kilomètres à pied effectués en musique avec ses amis Asma, Atye, Merhan pour tenter de rentrer au Berkay sous une chaleur accablante et pourtant des rires non-stop pendant des heures. Il m'aurait aussi fallu beaucoup de temps pour vous parler des îles de Kresh et d'Ormuz, des femmes bandaris aux masques multicolores, du mariage des voisins et de leur extraordinaire danse bandari qui a toute la convulsion. Je peux vous promettre, j'ai essayé, c'est impossible. Si vous n'êtes pas né avec ça, vous ne pouvez pas danser comme ça. Avec tout ça, j'aurais manqué de temps pour vous parler de Kerman et de son désert des Kalouts et de la manière dont je suis passée en quelques jours et dans le même pays, de cet endroit le plus chaud au monde, aux collines enneigées de la région du Gilan, que j'ai vu tant de fois dépeintes dans les films de Kiarostami. Mais toutes ces merveilles, elles vous diraient rien de l'Iran que j'ai vu. Elles vous diraient absolument rien de mon voyage, en fait. Des omelettes du petit-déj, du déjeuner, du dîner à Massoulet, des discussions sans fin avec Amir, quand il ne s'agissait pas de passer la soirée à lui apprendre les paroles de... Après, ça finit, je ne crois pas que j'y retournerai, C'est fini, je ne crois pas que j'y retournerai un jour. de cette amitié sans prix avec Mina, la plus badass des Iraniennes. Des plongeons dans la rivière de Tanguay-Tirzab et des kilomètres faits en voiture avec en fond, toujours, cette superbe musique iranienne. Tout ça, ça se raconte pas, ça se vit. C'est ça les voyages. À la limite, les mots qui décrivent le mieux mon expérience sont ceux que j'ai appris à force d'adorer les entendre. Alors, Arash me dirait sûrement un truc du genre. Your pronunciation is good, but practice makes perfect. Mais je vais quand même vous les dire en version originale. Daste shuma dar nakone, khorbune shuma dustaye golam beram, delam baratun tang shode. Merci, merci beaucoup les amis, vous me manquez. Voilà, et Doucette Daram, ça veut dire je t'aime. Oh. C'est ce que je me demandais, ce que tu dis à la fin, ça veut dire. Juste après. Ah ouais? Bon, ils ont des formulations très poétiques. Donc oui, ça veut dire. C'est une façon de dire merci, Daste Darana Kone, ça veut dire quelque chose à propos de la main, je sais plus. Merci les amis, ensuite je redis d'une autre manière, il me semble. Et ensuite, vous me manquez, qui veut dire mon cœur se serre pour vous. Oh. Non, mais ça, par contre, j'en ai vu des extraits quelquefois sur Internet. Le persan, c'est une langue ultra poétique, quoi. Tout à fait. Pour c'est les, il y a des verbes. C'est des métaphores trop mignonnes. Non mais Daisy, je sais pas comment t'as fait, mais moi, tu me rends nostalgique de quelque chose que je n'ai pas vécu. Oh. Voilà, Bah écoute, tant mieux, je suis touchée parce que ouais, ça se sent que j'étais un petit peu nostalgique et que je suis totalement amoureuse de ce pays, je pense, dans ce sonore. Et... Non. C'est magnifique. Du tout. Et de la musique également, du coup, pour moi, c'est vrai que c'est un truc, à chaque fois que je vais dans un pays, j'essaye de m'immerger un petit peu avant avec de la musique du pays. Et là, en Iran, c'était un régal parce que la musique est hyper présente partout. Donc Et donc, pour ceux qui se poseraient la question, Daisy nous a appris qu'il n'y a pas de législation de droit d'auteur en Iran. Voilà, c'est assez étrange, mais très pas si mal, là, pour le coup. Et pour l'autre question que peut-être on se pose, est-ce que tu vas y retourner? Bah, je me pose cette question aussi. Donc, pour l'instant, on ne sait pas. On en parlera peut-être mais dans un prochain épisode. J'espère. Voilà. Sur ce, on vous laisse. Eh ben, il faut peut-être demander aux gens de s'abonner, mm-hmm. de liker, de commenter. Ce serait cool. De mettre des étoiles. Ouais. De partager, de dire que vous nous aimez. De non. trouver une... Ça, vous n'êtes pas obligés, d'accord? De nous envoyer des cadeaux. De trouver une boîte de prod pour Suzanne aussi, hein, j'insiste. Oui, c'est ça. Enfin, si vous avez un peu de temps, quoi. Voilà. Voilà, entre deux voyages. Et puis, on vous embrasse, voyagez bien. Voilà, on vous souhaite bon voyage. Oui, c'était un plaisir de réaliser cet épisode pour vous et on espère qu'il vous a plu. Et à très bientôt. À bientôt. Salut. Oh non, j'étais pas une pionnière. Mais j'étais quand même un petit peu, par moment, ici ou là.